connais pas. Mensonge éhonté, explication fumeuse, utilisation de l'ensemble des articles du règlement des deux assemblées, nationale et Sénat, pour limiter le temps des débats. 47.1, 44.2, article 38, 44.3. Et tout ça pourquoi ? Pour finir par dégonner hier, au final, ce fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de faire passer son texte de réforme sur la retraite sans qu'il ne soit mis au vote des parlementaires et sans leur laisser et en ne leur laissant finalement comme seule possibilité de contrer ce texte de voter la censure et de renvoyer ainsi le gouvernement Borne à ses chères études. Et puis il faudrait faire comme si tout ça n'avait pas existé et faire l'impasse sur 9 journées de manifestation, oublier le refus de Jupiter de rencontrer la coordination syndicale, faire comme si son mépris envers ce mouvement social n'avait pas existé, se satisfaire d'une fin en queue de poisson de ce vaudeville imbécile et pathétique, parce que quand même un coup on nous annonce que les économies engendrées par cette réforme serviront à aider l'hôpital, l'école, la police à faire peau neuve. Le lendemain, on nous assure la main sur le cœur que c'est pour équilibrer les comptes de l'assurance retraite en danger d'ici 5 ans. Le surlendemain, on nous parle d'une réforme juste, tout en indiquant dans une étude d'impact que les femmes cotiseront au final nettement plus longtemps que les hommes. Et puis, dernière tartufferie, après s'être auto-glorifié pendant des semaines dans tous les médias de la mise en place d'une pension minimale de 1200 euros pour tous, anciens et futurs retraités, admettre devant l'inéluctable réalité des faits et des chiffres que ce sont finalement que entre 10 000 et 20 000 personnes qui pourront bénéficier de cette mesure, et faire comme si rien ne s'était passé, comme si tout allait bien, effacer ce cirque et passer à autre chose. Je crois que ça ne va pas être possible. On nous dit que Jupiter, il va bientôt falloir l'appeler Attila, celui-là, car comme lui, là où il passe, l'herbe ne repousse plus. On nous dit donc que Jupiter voulait, avec ce texte, poser son empreinte, laisser une trace. Mais il n'avait qu'à faire comme tous ses prédécesseurs l'avaient fait avant lui, construire une pyramide, un beau bourg, un musée du Quai Branly, et le tour était joué. Il n'y a guère finalement que l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, fer de lance du libéralisme mondialisé et de l'économie de marché, pour appeler Jupiter et son gouvernement à mettre en place le plus vite possible cette réforme. On a les soutiens que l'on mérite. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 34e et dernière saison, réalisée par Valentin Jiquel. Ce soir, il sera question de musique, de chansons humoristiques, de petites bêtises, comme dit l'un de nos invités, et de l'air du temps. Tom Terrien, un des musiciens de Minimal Orchestra, viendra nous parler de l'actualité de ce duo devenu quintet. Et l'actualité, c'est notamment la sortie d'un deuxième album de Minimal Orchestra. Et puis Lucas Lemoff, qui fera son retour dans cette émission qu'il a longtemps fréquentée. Et il nous fera découvrir son nouveau duo, Sten et Chardon, au répertoire, disons, entre humour et loufoquerie. Lucas Lemoff, vous espérez de faire le tri tout à l'heure, ça me fera du bien. Et puis, on joindra vers 18h30, 18h40, notre bon professeur Thibault pour une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, foutraque, érudite et pour tout dire essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Un départ en fanfare cette semaine. Une réponse en chanson aux récentes péripéties politico-parlementaires. Un nouveau titre du duo Boucan. Ça percute, c'est un simple, tout simple, un simple qui est paru dans la semaine. Et ça annonce sans doute un album qui viendra un peu plus tard. On nous dit qu'ils sont en train de l'enregistrer et ça passe. Et ça s'appelle Bla Bla Bla. Boucan. Bla bla bla, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Eh bien, je crois que le temps que Boucan arrive, il y a Kekun qui est trop con. Il y a la machine qui ne fonctionne pas, le disque n'est pas envoyé. C'est tout bon, c'est parti. Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon ? Tom Terrien, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît à Toulouse déjà pour un trio qu'on avait pris l'habitude d'écouter assez régulièrement dans les bars et les cafcons de la ville, le trio de Tom Terrien. Mais on vous connaît également pour votre participation à un duo qui a un peu évolué ces derniers temps, vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure, à un duo qui s'appelait Minimal Orchestra, qui existe depuis 2002-2003, ça doit être... 2004. 2004, ouais. Hein, c'est à peu près ces eaux-là. Un duo basse-clavier. Dans un premier temps, les batteries ont été jouées par Ghislain Rivera, mais qui est parti assez vite vers d'autres aventures. Il est parti en 2008-2009. On avait fait un deuxième album en 2007. En fait, on a fait deux premiers albums en trio avec Ghislain à la batterie sur un label parisien. Et après ces deux albums-là, ouais, il est... Après, c'est vraiment devenu un duo. Un duo, ouais. Et avant de parler de Minimal, j'aurais voulu que vous me disiez deux mots, si vous le pouviez, du groupe qui est un peu à l'origine de Minimal Orchestra, le premier à Toulouse qui se soit lancé à faire de l'électro-jazz, un quintet qui s'appelle Interface. Ouais, ouais. Deux mots sur ce quintet, si vous en êtes capable, puisque vous n'en faisiez pas partie. Alors, vous avez côtoyé les musiciens. Il y a une forme de genèse. À partir d'Interface, c'est vrai, pour Minimal, c'est qu'en fait, Interface, c'était donc Ghislain, Cisco, qui est un des salariés de la radio. De campus. Il y avait Benoît Ricard, Au sax. Pierre-Jean Trouette, qui est mon bassiste, à la basse. Et Johan Bourquenaise. Et donc, en fait, clavier, Minimal oui. Orchestra, au départ, c'était le duo Johan Bourquenaise, Ghislain Rivera. Et Ghislain Rivera et Johan ont plus trop eu envie de bosser ensemble. Et en fait, le projet avait pas mal de dates et ça commençait à gazer. Du coup, Ghislain m'a contacté. Et moi, je lui ai dit, j'aimerais bien le faire avec un bassiste, ce projet. Et donc, il a pensé à Pierre-Jean. Et c'est là où on a commencé à travailler à trois. Et c'est vrai qu'Interface a été... on est vraiment devenu une espèce de petit excroissance électro-jazz du projet. Ouais, Interface qui reste un groupe mythique, un seul album, pas mal de concerts, une existence assez réduite dans le temps et le souvenir effectivement d'avoir entendu des sons mélangeant drum and bass et jazz pour la première fois. C'était l'époque de l'électro-jazz, hein, Truffaz et compagnie. Ils sont vraiment arrivés pile poil à cette période-là, ils ont fait les bonnes premières parties. C'est vrai que Truffaz arrivait aussi avec son album The Down, d'électro-jazz, ouais. Avec le rappeur Naya qui faisait partie de l'équipe, et cette drum and bass qui était fabriquée à la main, puisque c'était le batteur qui fabriquait tout ça. Donc pour revenir à Minimal Orchestra, vous dites que ça a commencé avec un duo Johan Bourquenaise qui depuis est parti en Suisse, ouais. Et Ghislain Rivera, un batteur que l'on continue à voir de temps en temps dans des projets ici à Toulouse, pour devenir un trio avec le même Ghislain, Pierre-Jean Trouette, qui était le bassiste d'Interface, et vous-même au clavier, avec cette option immédiate de continuer à faire de l'électro-jazz. Ouais, mais un peu différent. On avait envie de... Enfin, en tout cas, moi, j'avais un univers un petit peu plus proche de l'électronica. Un peu moins jazz, j'étais un peu moins... à l'époque, j'étais plus vers l'électronique. Ça a quand même pas mal évolué après. Mais on a eu vraiment envie de faire quelque chose de... Ouais, je saurais pas trop expliquer en détail, mais rendre un son un peu plus compact. Et voilà, je vais devoir retourner dans mon cerveau d'il y a 25 ans. Ouais, quelque chose de plus proche des Square Pushers, des Aphex Twin, des Amon Tobin que de Truffaz et compagnie, en fait. Moi, je voulais un peu m'extraire de ça et marquer une différence, ce qui s'est quand même pas mal passé sur le premier album. Je trouve qu'on a eu une très bonne presse dessus et on a réussi à commencer à construire notre son qui a vachement évolué par la suite. Vous vous dites assez proche d'artistes du label Sonar Collectif. Ouais. C'est vrai qu'en même temps, sur les premiers enregistrements que vous avez pu faire paraître, c'est vrai que le label Jazzlang de Bougie Wesseltoft... On écoutait beaucoup cette musique-là. Vous étiez vraiment aussi très proche de ces artistes-là, dont tout ce qu'on a appelé le jazz du Nord. Il y avait Bougie Wesseltoft, il y avait également Peter Molvar, enfin il y avait toute Jaga cette... Jaziste, voilà, Jaga Jaziste. Il y a Rune Gramophone qui est un super label aussi de ce genre de musique. Ouais. Et c'est vrai que vous étiez un peu dans cette esthétique-là, même beaucoup. Ouais. Ben c'est ces mecs qui se sont inspirés de la pop aussi, en fait. Autant l'électro-jazz de bah, pour reprendre Truffaz et compagnie, c'était vraiment la rencontre du jazz et de l'électronique. Mmh. Autant ces gens du Nord, voilà, il y avait une inspiration pop qui vient un peu du label ECM aussi, mmh. On n'a plus trop de sorties de bebop, vraiment à proprement parler, chez eux. Et du coup, on s'est pas mal inspiré de cette scène-là, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Avec effectivement ce côté pop qui était un peu symbolisé par des morceaux très courts. Ouais. Alors, c'était pas notre cas, mais oui. Voilà. Oui. Voilà. Et c'est vrai que ce format-là était vraiment marquant par ce fait-là. Au lieu d'avoir des morceaux de 10 minutes, on avait des morceaux de 3-4 minutes. L'accent était mis sur la sonorité et la liberté de la forme. Plutôt que le fait d'avoir des solos sur de la jungle un côté un peu hip-hop, etc. Il y avait vraiment le jazz qui apportait la liberté de faire la forme qu'on voulait, et puis les grooves du jazz, mais sans forcément partir dans des solos, mais plutôt des textures ou des improvisations de sons. Et c'est vrai que ça faisait une musique très atmosphérique. Super intéressant, ouais. pour le coup. Et la vôtre a été très marquée par ça, avec d'emblée des ambiances, des musiques très atmosphériques, avec cette batterie, donc, qui n'était pas, dans un premier temps elle l'était, mais dans un deuxième elle l'était plus, qui était jouée par des machines et qui donnait un côté implacable à la musique de Minimal Orchestra en duo. C'était ça aussi que vous vouliez. Être un peu une machine de combat avec en avant cette rythmique assez implacable. En fait, le projet a évolué, je pense. Il y a eu toute la phase avec Ghislain en trio. Après, il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai fait ce choix-là. C'est moi qui ai fait le choix de continuer en duo pour plein de raisons. Bon. Et donc, il y a eu toute une année de réflexion avant de reprendre en duo, hein, parce que ça a été un peu compliqué, ça a été douloureux. La fin, il fallait repartir à zéro, il y avait beaucoup de choses à réfléchir. On n'est pas du genre à se lancer tête baissée sans réfléchir. Et du coup, ouais, le côté implacable, je ne sais pas. Le premier EP qu'on a sorti en duo, il s'appelle Anger Management. Donc, j'aime bien, moi, faire un peu d'humour avec mes titres. Y a des morceaux qui sont... Oui, on sent qu'il y a une forme de colère. Il y avait plein de colère. Oui. Ouais, ouais. Et ça sert à ça, la musique. Hein. Moi, je m'en sers pour ça. Et la rythmique, je m'inspire beaucoup de la jungle pour Minimal Orchestra, parce que j'ai pas mal de projets différents et je compose pour beaucoup de choses différentes. Et je me donne vraiment des dogmes, en fait, pour chaque projet. Et le côté programmation rythmique... réfléchi et assez implacable, comme tu peux dire, c'est un de mes dogmes pour Minimal. Ouais. Il y a ce côté, je dois programmer les batteries, j'ai fait ce choix-là, du coup j'y prête une attention particulière. Il y a même des gens qui me disent, mais pourquoi tu prends pas un batteur? Ça sonne presque comme un batteur. Et non, en fait, j'aime cette idée d'avoir une machine et de créer de l'humanité autour, en fait. Voilà. Et c'est vrai que ce son est très, j'allais dire, très mécanique. Et effectivement, il n'y aura sans doute pas beaucoup d'erreurs sur la rythmique, à moins que vous la programmiez. Vous avez sorti il y a 5-6 ans un album, je pense que c'était même votre premier album avec Minimal Orchestra, Baïkal. Alors, Laika's Takeoff, c'est notre troisième album. Troisième album. En tant que Minimal Orchestra. Après, c'est notre premier album en tant que duo. Ah, un duo. Voilà. En fait, il y a deux périodes. Quoi. Il y a eu la période Other Age, qui était la période en trio. Et là, c'est la période IoT Records, qui est un label de Marseille, que je salue. Ils font du super taf sur notre dernier disque, c'est sûrement, des gens adorables. Mais je pense qu'ils n'entendent pas. Je leur ai dit qu'on passait. Mais saluez-les quand même. Et c'est notre premier album, Laika's Takeoff, chez IoT. Et c'était il y a 5 ans, Je crois. Et 5 ans plus tard, vous sortez ce deuxième album, Lift Off. Il y a une continuité entre les deux. C'est une suite logique. Le premier racontait le voyage dans l'espace de la petite chienne Leica, qui m'a fait beaucoup pleurer lorsque j'étais enfant, et qu'on m'a dit que finalement elle avait brûlé dans la fusée quand elle est revenue dans l'atmosphère. Ouais, c'est cool. C'est cool de s'inspirer de cette histoire pour un album. Donc ça racontait le premier album. Comment dire, la continuité, elle est dans Pierre-Jean et moi, on travaille beaucoup en tandem sur les morceaux et on y réfléchit beaucoup. Et quelle serait la continuité ? La continuité, c'est beaucoup de questionnements sur le premier album, parce qu'on avait fait deux EP en tant que duo avant, et beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches, en fait, sur ce premier disque. On l'entend d'ailleurs, c'est un disque qui est un petit peu plus dur à l'écoute, harmoniquement, je m'inspire beaucoup plus de musique atonale, je me suis un peu pris le chou, en fait, j'ai un peu fait l'intello sur ce disque-là, qui a été une expérience, et c'est un peu, c'est un peu la fusée qui a décollé, et on va voir ce que ça va donner. Ce deuxième album, Chilloté, est fort de cette expérience-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui fonctionnait, on a vu ce qui ne fonctionnait pas sur ce disque. Et du coup, on a pris le temps. C'est pour ça qu'on le sort 4-5 ans après. On met vraiment 4 ans à composer, à jouer les morceaux, à se les faire passer, à y réfléchir. Je pense avoir pris des points ces 4 dernières années en tant que compositeur. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai réalisé beaucoup plus de choses que ces 20 dernières années en composition, à savoir que composer, il y a ce côté où il ne faut pas se brider, il faut jeter ses idées, et l'ordinateur est génial pour ça. On balance ses idées, on en fout partout, et puis après on est pur, on enlève, jusqu'à trouver le petit diamant qui va bien. Cette espèce d'évidence de quand tu écoutes le morceau, tu fais barre espace, tu écoutes et là, ouais, c'est bon. Ah. Voilà. Et ça, ce moment-là existe. Souvent, on a cette réflexion de « ouais, mais non, il y a toujours un truc à revoir » ou « on veut toujours refaire ». Mais non. Il y a toujours ce moment où je fais « ah yes, c'est bon, c'est trop cool ». Et c'est même le morceau, il ne t'appartient plus à ce moment-là. Et j'aime bien cette sensation-là. Et c'est cette réflexion qui fait que vous décidez de passer du duo à maintenant un quintet, puisqu'il y a trois personnes de plus qui viennent vous rejoindre. En fait, ça c'est marrant parce que ça s'est fait sur la fin. On avait fini les morceaux pratiquement. Oui, puisqu'il y a même un single qu'on va écouter en fin d'interview. Je crois que là encore, vous êtes. On est en duo là. Vous êtes en duo. Pourtant, il est dans ce deux. Oui, l'album, ils ne sont pas tous sur les morceaux. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que on finit ces morceaux et puis pareil, je réfléchis. Je me dis bon. C'est cool, mais il me manquait quelque chose. J'ai l'impression qu'on était encore on était entre nous, quoi, tous les deux à faire notre truc. Et puis, on a déjà invité Florent Hortal sur des concerts. Donc le guitariste. Ouais, Florent Hortal, qui est un guitariste que je respecte énormément en tant qu'humain et que musicien, que je trouve vraiment dans le genre machine implacable aussi. Lui, il est pas mal. Et je me dis, ah tiens, on pourrait inviter Florent sur un morceau. Ah ouais, cool, vas-y. Donc Flo qui... Et puis... Je fais partie d'un collectif de jazz toulousain qui s'appelle Troisième Face. Oui, je fais partie de leur CA. Qui est en train de fêter ses 5 ans d'existence. Exactement. Avec une tapée de concerts prévue dans le mois qui vient un peu partout à Toulouse. C'est ça. Et donc, dont Nicolas Algans fait partie et Thomas Koenig. Donc, Thomas Koenig, saxophoniste, et Nicolas Algans, trompettiste. Et donc, je les ai croisés dans ce collectif. C'est des gens que je respecte depuis longtemps et que j'avais très envie de faire de la musique avec eux depuis longtemps, et j'ai fait vas-y, viens jouer sur le morceau. Et à partir du moment où j'y ai pensé, j'écoutais les morceaux et tout de suite je les entendais dedans. Thomas Koenig, il est sur deux morceaux parce que j'aime vraiment beaucoup son son de flûte traversière. Et Nico, il est sur un morceau qui est hyper speed. Et Nico, c'est vraiment un super trompettiste de bop. Il est phénoménal, ce mec. Et je l'entendais direct taper un chorus sur ce morceau qui est à 170 à la noire, une espèce de jungle excité, qui s'appelle Tight Schedule d'ailleurs. Et la réflexion c'était, qu'est-ce qu'on fait comme musique en fait ? C'est quoi la musique que je fais avec Minimal Orchestra ? C'est de l'électro-jazz. Alors j'ai tendance à dire du jazz électronique. On n'est pas sur France Culture, mais... Et vous voyez ce que je veux dire ? Et je confirme, on n'est pas sur France Culture. Et donc, en jazz électro, il y a des invités, il y a des guests, il y a des soufflants. Et ça a donné vraiment une impulsion incroyable. Et une fois qu'on a fini le disque, j'ai fait venez en live, quoi. Et on a monté ce set qu'on a joué au Taquin en juin dernier. C'était génial. Et moi, j'ai encore des vidéos. Je suis surexcité, je saute partout. J'ai une coupe de cheveux catastrophique d'ailleurs, mais j'avais beaucoup de travail à l'époque. Pas le temps de me couper les cheveux. Ce live est, est, est vraiment cool. Est vraiment cool. Je suis très très très fier de jouer avec ces mecs. Et c'est des musiciens très intelligents qui ont abordé le projet avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de musicalité, beaucoup d'investissement. Et ils tardent. Et c'est une formule qui va se pérenniser sur scène. J'ai pas envie de faire un truc à géométrie variable. Je fais pas de la musique pour l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il y en a, et c'est respectable. Voilà, l'intermittence, tout ça, ça permet des trucs cool. Moi, j'y arrive pas. Il faut que je prenne le temps. Et pour que les choses fonctionnent, il faut prendre le temps en musique. Et encore plus en promotion. Maintenant, tu finis un album, il sort un an après, tellement il y a de travail dessus à faire. Oui, bien sûr, Quintet, à fond, on a envie de le jouer partout, parce qu'on aime beaucoup jouer ensemble et que ce live marche. Il y a des gens qui sont venus nous voir après le Taquin, qui m'ont dit des choses que j'avais jamais entendues après un concert de Minimal. Il y a énormément de musique, c'est incroyable, j'ai eu des super retours. En toute humilité, moi, je suis tout le temps en train de me questionner et d'essayer d'avancer, mais c'est toujours agréable d'avoir... des retours positifs sur son travail. Avec cette politique de promotion, puisqu'on en parlait de Minimal Orchestra, qui fait que régulièrement, en dehors des albums, vous donnez à faire écouter le plus souvent sur le net des singles. Il y a une politique de singles que vous avez inaugurée depuis très longtemps avec Minimal Orchestra. Oh, c'est IoT qui travaille comme ça. C'est la loi des réseaux sociaux. Ouais. Vous parliez tout à l'heure d'électro-jazz avec le passage obligé à des guests qui viennent un peu enrichir la musique. Le passage obligé aussi dans l'électro, c'est le remix. Il va y avoir des remixes de Minimal. Je pense. En tout cas, moi, j'aime bien les faire. j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Il va falloir prendre des pseudos parce que un remix de Tom Terrien de Minimal Orchestra, ça fait un peu ridicule. Ça fait un peu consanguin. Il va falloir trouver un pseudo. On va finir avec des petits problèmes de trisomie. Bon, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, ce qui s'est passé sur ce remix-là, c'est que je travaillais sur des vidéos pour un des morceaux et puis j'ai mis un passage en boucle et je trouvais que ça marchait super bien. Et puis bon, voilà, je m'amuse bien avec Ableton et j'ai fait des petits copier-coller et puis je me suis amusé. Puis à la fin de la soirée, j'ai un remix. C'est comme ça et on va essayer de... Voilà. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette politique de promotion, c'est que ça oblige à être productif. Et c'est un challenge hyper intéressant en tant que compositeur de se dire « Ok, là, il faut que je fasse des morceaux tous les jours, il faut que je crée de la matière. » Et c'est vachement enrichissant. Et j'ai rien contre le fait de, par exemple là, j'ai fait cette espèce de rework. Je sais pas du tout ce qu'on va en faire, mais je suis prêt à le donner gratuitement en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, y a une forme de générosité là-dedans qui est intéressante. Voilà. Très bien. Un concert prévu à Toulouse Toulouse, non. Pas pour l'instant. J'y travaille. Bon, c'est un long travail de prospection, mais ça ne serait tardé. Très bien. On viendra vous écouter à ce moment-là. D'ici là, on entendra régulièrement Minimal Orchestra. Et là, on va écouter un morceau qui avait fait l'ouverture de la saison 34 de Caramel en septembre. Beat Too, un album donc, que l'on trouve sur ce nouvel album de Minimal Orchestra, Lift Off, qu'il s'appelle cet album. Beat Too, c'est le morceau qu'on écoute tout de suite. Et Tom Terrien, merci d'être passé dans cette émission pour parler donc de Minimal Orchestra. Thank you. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Daphne, I love you. Bonsoir Lucas Lemoff. Bonsoir. C'est presque avec un petit trémolo dans la voix que je vais faire cet entretien avec vous ce soir. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu ici? Une bonne année. Ah oui, sûrement. Bonne année d'ailleurs. Bonne année. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je crois que la dernière fois que l'on vous a vu dans cette émission, vous faisiez des goguettes. Ouais. Et vous nous en aviez fait une formidable à la gloire de notre présidente de région, c'est Carole vrai. Delga. Et oui, c'est vrai. J'avais la goguette. À l'époque. Ah ouais. Vous l'avez toujours, je suppose. Ben non, en fait. Ah ouais, vous avez oublié. Ben non, j'ai pas oublié, mais juste la vie fait que. Oh des ouais. fois, on écrit des goguettes, des parodies, puis des fois non, et puis on fait autre chose. Ah oh ouais, bon. Il s'est passé mille choses, et puis voilà quoi. Ouais, et il s'est passé notamment Stan et Chardon. Et Chardon. Et Chardon. Et pourquoi Stan et Chardon d'ailleurs? Eh ben Stan et Chardon. Eh oui, c'est ça, Stan et Chardon, non, c'est pour vous, la blague. Vous savez que vous parlez quand même un sexagénaire, et que Stan et Chardon ont bercé la fin de mon enfance et le début de mon adolescence. Et oui, et voilà. Je me souviens encore sa coupe au bol de Stone que ma mère immanquablement se refaisait une fois par semaine lorsqu'elle allait chez le coiffeur. En hommage à Stone. Et à Daniel Gilbert. Ah, c'était les deux qui portaient ce style de coiffure dans les années 70. Stone, okay. De Stone et Chardon et Daniel et Gilbert. Daniel Gilbert, formidable. Donc oui. Évidemment que j'ai compris tout de suite le gag, mais peut-être que les jeunes de votre génération, il va falloir que vous leur expliquiez quand même pourquoi Stan et Chardon. Ben déjà, les jeunes, il faudrait qu'ils viennent nous voir au spectacle. Ah ouais. Déjà, ça c'est une première étape. Et il y a que des vieux. Ben, pour l'instant, on n'a pas beaucoup joué, mais comment dire. Mais ça fait combien de temps qu'on vous dit d'arrêter de faire de la chanson, que le public chanson c'est que des vieux? Et oui. Vous le savez. Et oui. Moi aussi. Mais c'est ceux qui sont quand même un capital financier plus important, parce que nous on fait quand même ça pour l'argent, c'est quand même ça le plus important. Ouais. Enfin, vous savez quand même qu'avec la réforme de la retraite, il y en a certains qui vont tomber un peu bas là. C'est pour ça qu'on est farouchement opposé à cette réforme de retraite. Il m'a semblé bien que je vous avais vu dans les défilés depuis deux mois. Bon, vous nous parlez un peu de Stan et Chardon. Alors Stan et Chardon, c'est un spectacle qui s'est créé à partir d'un matériau qui lui-même était créé quand on avait fait quand on faisait des blind tests. En fait, on nous a demandé un jour d'animer un blind test et de jouer en vrai. Et ça nous ennuyait de jouer une vraie chanson et de voir si les gens allaient reconnaître. Et on s'est dit, on va un peu leur faire des nœuds au cerveau aux gens. Et on va créer des mash-up, donc on va créer des paroles de chansons sur la musique d'une autre. C'est ça le mash-up, c'est prendre les paroles d'une chanson et le mettre dans l'autre. Un des plus connus, c'était Ginger de David Bowie, sur lequel on avait mis le Père Noël de Jacques Dutronc. Et ça marchait hyper bien. Alors effectivement, il y a mix et mash-up. Enfin, nous on appelle ça mash-up, mais quand on utilise les deux sons, effectivement c'est un mash-up. Mais nous c'est vraiment les paroles d'une chanson sur la musique d'une autre. Donc il y a vraiment ce rapport-là qui est différent. Et en cherchant si possible le décalage le plus drôle possible, parce que nous, ça nous faisait vraiment rire. Au lieu de nous faire des nœuds dans la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut être, vous nous donnez un exemple tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exemple? Puisque pour vous, on a loué un piano quand même. Oui, c'est vrai. Waouh, c'est incroyable. La production de Caramel Moon ne se refuse rien et ne recule devant aucun expédient pour vous inciter à revenir régulièrement dans cette émission. Par exemple, dans les spectacles, on explique que Francis C, un des plus gros sociétaires de la SACEM, qu'on ne nommera pas bien sûr ici pour des raisons de confidentialité. De confidentialité et puis de peur d'être taxé de comment on appelle ça, vous savez, quand on je ne sais plus comment on dit, mais enfin quand on nous attaque en justice pour diffamation. Oui, diffamation. Voilà, donc, on va dire juste Francis C qui est qui habite à Astafort, Troubadour, hein, oui, d'accord, et qui a donc organise des stages de chansons et qui en profite pour piller le talent des autres, et donc il a dans les années 70 pillé le talent d'une jeune chanteuse belge, et donc ça a donné un truc comme ça. Dans l'île au soleil, dans l'île aux merveilles, il y a des arbres en fleurs et des dragons siffleurs et tous les enfants. Pour passer le temps, joue du tam-tam, des bambous, des tombas, en chantant cet air-là. Au chaud cacao, au chaud cacao, au chaud chocolat. plage, il y a des coquillages et des caïmans et des serpents rampants du soir au matin. Dans tous les recoins, les boas, les pandas, les babouins, les pingouins chantent tous ce refrain au chaud cacao, au chaud cacao, au chaud chocolat. Si tu me donnes des noix de coco, moi je te donne mes ananas. Si tu me donnes des noix de coco, moi je te donne mes ananas. Voilà, tout ça, ça donne à peu près ce genre de bêtises. Oui. La partie chanson anisée, c'est ça? Anisée? Oui. Ah, je ne connais pas ce mot. Ah bon, très bien. Anisé, je connais. Oui, mais qui a écrit, qui chante ça? Annie Cordy. Eh bien voilà, Annie C. Annie C. Annie C. Francis C. Annie C. Eh bien oui, vous êtes devenu nettement plus langue finalement. Ben oui. Ben ouais, il vous faut revenir toutes les semaines. Mais comme c'est pas dans le spectacle, vous voyez, j'oublie. On ne dit pas Annie C dans le spectacle, mais on devrait. Bon. Le principe, donc, c'est d'essayer de réaliser de nouvelles chansons à partir du télescopage d'une mélodie et de paroles qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui finalement marchent. C'est pour montrer quoi, ça? Ça permet quoi quand on est face à un public? Ça permet de faire éclater le public de rire et de lui faire penser à autre chose. Il y a un petit message derrière. C'est quoi le principe? Alors, le message, s'il y en a un, vraiment, il n'est pas non plus incroyable. Non, c'est vraiment parti d'une bêtise parce qu'on s'est dit que ça nous faisait vraiment rire. Et qu'il n'y avait pas de raison que ça fasse pas rire les autres. Et qu'il n'y avait pas de raison que ça fasse pas rire les autres. Et pour une raison tout à fait pratique aussi, on organisait des blind tests à peu près une fois par mois, et au bout d'un moment, on créait de la matière, on avait 50-60 mash-up, et on s'est dit, on va pas pouvoir travailler à ce rythme trop longtemps, et on avait des velléités, des envies de créer des personnages campés un peu, on est des enquêteurs de la SACEM, et on révèle la vérité sur le monde de la variété, avec un délire un peu complotiste, et ce qui nous intéressait, c'était aussi d'aller un peu dans cette veine-là qui, en ce moment, est partout, et d'aller vraiment dans des délires complotistes sur une matière qui, pour le coup, mérite absolument pas de qu'on en parle à ce point-là. Puisque, comme dans pas mal de spectacles auxquels vous avez participé, que ce soit à l'Arabiata, que ce soit Sur la bonne voie. Sur la bonne voie. La chanson est importante, mais le côté le plus intéressant pour vous, c'est aussi le côté jeu, le côté théâtre que vous associez à vos spectacles. Et une fois de plus, on est là-dedans. On est complètement là-dedans. Il y a deux choses. Il y a dans le procédé humoristique, il y a déjà le décalage entre les textes et la musique. Mmh. Qui fait que vraiment on va se retrouver dans des univers improbables et on recrée une chanson. C'est ça aussi qui est fascinant. Les chansons peuvent se créer de mille manières et la parodie en est une manière, mais ça aussi. Et puis il y a aussi le décalage des personnages. On est très sérieux sur scène et pour nous, ce qu'on dit, c'est très important. Mmh. Et donc, du coup, cette espèce d'urgence à vraiment vous révéler la vérité avec ce matériau qui est ridicule, quoi. Ce décalage-là aussi, a priori, fait rire en tout cas. En tout cas, ça marche plutôt bien. Oui. Mais quelle est cette vérité? Ah, mais ça, il faut venir pour ça. Bon. Le postulat de départ, c'est quoi? Il y a une plainte? C'est quoi? On est des lanceurs d'alerte, en fait. Ah ouais. Bien sûr. Ah, ouais, ouais. Sten et Chardon, lanceurs d'alerte, enquêteurs à la SACEM. Ouais, et il y a des sous qui ont été indûment donnés à des auteurs compositeurs. Exactement. Et donc, du coup, l'idée, c'est de rétablir un peu la vérité des faits, quoi. C'est du service public. C'est de la salubrité publique. Mais c'est dangereux. Ce que vous faites. Et ça, je comprends bien. Je comprends bien pourquoi vous n'avez pas donner la totalité du nom de Francis Cabrel tout à l'heure. Donc, Sten et Chardon. Qui est Sten? Qui est Chardon? Alors, mon camarade Nicolas Vezzoni est Michael Sten. Ah. Moi, je suis David Chardon. Ah, David Chardon, tout de suite. On est des enquêteurs quand même. Quoi. Ouais. Et un peu à Merloc sur les bords. Sur scène, Imper Mastic? Un père mastic? Oui. Vous dites que des mots que je comprends ah pas. Ah, ben ouais, mais bon, c'est peut-être parce que j'ai 60 ans, ça doit être ça. Un imperméable? Est-ce que ça, c'est nettement plus compréhensible pour le Jones que vous êtes, un imperméable? Alors, non, pas d'imperméable parce que c'est. Dans la tradition de Colombo. Ça aussi, Colombo, ça parle, oui, ça vous parle? Colombo, ça me parle. Ou ça parle qu'à moi? Oui, Peter Falk, c'est ça, non? Ouais. Vous voulez quoi? Que je m'effondre à la fin de l'émission en 10 ans? Non, c'est bon, va. Je rentre à la maison, je sors plus, je suis trop vieux. C'est quoi? votre truc ce soir, Lucas Lemoine. Alors, c'est chemise, cravate, bretelle. Voilà, ah ouais. Voilà, parce qu'il fait trop chaud en imperméable. D'accord. Mais le décorum est là quand même. Donc, votre acolyte de mots sur ce musicien-là ? Eh bien, Nicolas, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a longtemps quand on faisait du Swing New Orleans à l'époque dans les bars. Il jouait dans le bar Dimanche Chaud. Et moi, j'avais joué un peu avec eux, donc ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se connaît. Et donc, il y a eu, à un moment donné, cette proposition d'organiser des blind tests et qui s'est transformée en spectacle. Donc, mais on a pas mal joué ensemble et dans des groupes plutôt de Swing New Orleans, Blues New Orleans. Voilà, c'est plutôt cette esthétique-là. Mais c'est quelqu'un qui chante très bien. Et du coup, on s'est dit, on va faire quelque chose de nos deux voix et on va chanter nos bêtises. Et parfois, bizarrement, dans le spectacle... On a des moments qui sont ridicules, mais qui ne sont pas complètement laids. En tout cas, on essaye de faire les choses bien. Avec une instrumentation, piano, guitare, trompette, c'est ça ? Alors, piano, guitare, il y avait un peu de trompette, il n'y en a plus trop. Moi, attention, je joue du ukulélé. Ah, oh, ouais, c'est... Là. Et puis, je fais le charlet au pied gauche. C'est in, ça. Oh là, oui, formidable. Et Nicolas fait la grosse caisse au pied je ne sais pas. Au pied droit. Au pied droit. Donc, on vous a demandé de venir d'abord pour le plaisir de vous retrouver, vous entendre jouer encore un peu du piano et nous chanter une balade, mais aussi parce que vous êtes programmé dans le cadre du festival de guitare. Dans un premier temps, d'ailleurs, je me suis dit que c'était encore une escroquerie, mais vous connaissant, on n'en attendait pas moins. Bien sûr. Puisque je vous connaissais pianiste et pas guitariste. Bon, heureusement, je me suis vite aperçu que votre collègue s'était lu le guitariste. Il joue suffisamment bien de la guitare pour faire partie de la programmation du festival de guitare de Canville. Oserais-je pointer le fait que cette question est un brin élitiste, mais je ne le ferai pas. Mais je vous en prie. Je répondrai simplement, bien sûr. Bien sûr. Non, ça fait quoi là d'être programmé à Canville, où d'habitude c'est plutôt un festival de jazz, de musique du monde, mais avec la guitare qui est mise en avant, alors que là ça va être surtout le résultat de vos télescopages qui va être mis en avant. Oui, alors c'est vrai que c'était une proposition un peu étrange, mais à la fois ça peut se justifier de manière totalement factuelle, puisqu'il y a une guitare dans le spectacle et un ukulélé, donc ça fait et quand un même ukulélé, c'est vrai. Mais non, c'était, je pense que dans la programmation ils cherchent aussi à avoir un éclectisme dans l'esthétique, et là on est sur une esthétique théâtrale et comique a priori, donc voilà, c'était pour ajouter cette touche là au festival. Donc vous jouerez le 23 mars à Saint-Alban au centre culturel Yves Montand. Le début du concert c'est 20h30 et ça sera précédé d'un apéro. Voilà, c'est pour ça, je pense qu'on voilà, c'est pour que les gens apprécient même... le spectacle. Au début même je pensais que c'était un apéro concert. Mais c'est pas un concert, c'est un spectacle. J'ai bien compris, et on l'aura compris en vous écoutant. Il y a d'autres choses qui se pointent pour Lucas Lemoine. On se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez bénéficié d'une carte blanche aux bijoux pendant quelques jours. Je pense que vous en gardez un souvenir ému parce que ça vous a permis de tenter plein de choses différentes. Oui. Il y a des choses qui se profilent. Il y a des choses dans ma tête pour l'instant. Il y a des choses un peu dans mon ordinateur. Il y a une volonté de seul en scène. J'ai envie de tester un peu cette forme-là et plutôt de manière, enfin plutôt théâtralement, quoi. Et après, s'il y a de la musique, il y a de la musique. Mais en tout cas, j'ai envie de camper des personnages, à voir un peu sous quelle forme et dans quelle esthétique. Mais en tout cas, j'ai cette volonté-là d'explorer un peu des personnages. Pour vous pratiquer depuis quelques années, j'aurais tendance à dire qu'il vous aura fallu du temps pour arriver à vous dire que seul sur scène, ça pouvait être aussi une bonne voie pour vous. Oui, je pense que je ne vais pas dire un truc incroyable en disant que bon nombre d'artistes ont des soucis de légitimité, et j'en fais partie. J'ai eu un cursus de musique, et je ne dirais pas que je me suis éloigné de la musique, mais j'ai voulu tenter d'autres formes d'expression artistique. Et en m'essayant à d'autres formes d'expression artistique, je me suis aussi heurté à la légitimité de faire ces choses-là. Faire du théâtre, quand on a un cursus de musique, on peut aussi se heurter à des commentaires un peu désobligeants de... t'as pas de formation, tu viens d'où, c'est quoi ton école? Et en fait, c'est difficile de s'imposer, et déjà de se dire à soi-même qu'on peut le faire, et puis ensuite de se heurter à possiblement le monde professionnel et à de la programmation, à des tremplins, en tout cas à tous ces trucs-là. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et puis voilà, quoi. Et je sais qu'à un moment donné, la chanson a un peu pointé le bout de son nez, et puis je suis pas sûr d'avoir envie de m'exprimer là-dedans. En revanche, camper des personnages, c'est un plaisir que j'ai vraiment trouvé au fil du temps, et je me dis que j'ai envie de creuser ça, mais ça prendra du temps, et puis ça prendra le temps que ça prendra en vrai. C'est pas non plus... Avec une continuation sur le décryptage de l'actualité, tel que vous avez pu le faire par ailleurs ? Oui, de l'actualité, je ne sais pas de l'actualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer les mécanismes d'oppression, quels qu'ils soient, et c'est d'essayer de camper des personnages qui sont mus par toutes ces questions que peut-être le racisme, le sexisme, mais aussi le mépris de classe, qui est quand même globalement ce qui m'intéresse le plus. De voir les rouages du mépris de classe, comment ça s'intègre, et puis aussi toutes les questions de détermination, déterminisme. Et de toutes ces questions-là qui me passionnent, et de voir comment on peut articuler ça sous la forme de personnages. Et j'ai beaucoup campé des personnages de droite, des politiques de droite très méprisants. J'ai envie d'explorer un peu plus ce truc-là, pas forcément que dans ces personnages-là, mais aussi dans ceux qui sont méprisés, ou leur rendre un peu hommage, ou toutes ces choses-là, quoi. Voir comment ça peut s'articuler. Quand on parle du mépris de classe, on se souvient du personnage que vous campiez dans Al Arabiata, le moment dans le spectacle où vous faisiez ce discours formidable en tant que patron s'adressant à ses ouvriers. C'était assez terrible et assez glaçant. Al Arabiata, un spectacle qui continue ou pas ? Un spectacle qui continue, qui ne cherche pas forcément de date. Ouais, mais qui en trouve. Mais qui en trouve et qui accepte aussi des propositions de caisse de grève, notamment sur la dernière de l'éducation nationale. Ah ouais, j'allais dire, en ce moment, vous avez de quoi faire. Oui, et puis ça a cette vertu-là de redonner un peu de joie à la lutte et de aussi faire en sorte que les militants et militantes qui sont sur le terrain tous les jours en ce moment, et il y en a beaucoup, et merci à elles et eux, ça leur permet de retrouver un peu de poil de la bête et de se dire qu'en fait on fait peut-être pas ça pour rien, quoi. Donc si je comprends bien, vous êtes assez impliqué dans le mouvement social à entamer en janvier. Oui, assez et pas assez, hein, parce que encore une fois, culpabilité, tout ça, on se dit qu'on en fait jamais assez, mais j'essaye en tout cas. Je vais dans les manifestations et je me dis que ouais, on retrouve les copains, c'est cool. Ouais, ça au moins cette vertu. Donc en attendant, en parlant de retrouver les copains, on vous retrouvera le 23 mars à Saint-Alban au Centre culturel Yves Montand. Début du concert à 20h30 avec ce duo Sten et Chardon, dont vous l'avez compris ou pas, si l'explication a été suffisamment claire pour certains, peut-être obscure pour d'autres, mais le principe du jeu, c'est de suivre les enquêteurs, l'enquête de deux enquêteurs de la SACEM qui vont tenter de nous expliquer comment sont nées les chansons. Et votre technique là, artistique pour le coup, c'est de faire se télescoper des musiques et des paroles qui a priori n'avaient rien à faire ensemble. Exactement. Un dernier exemple. Allez, un dernier exemple. Du coup, nous avons la preuve irréfutable que Patrick Sébastien et Céline Dion sont la seule et même personne. Mais nous n'allons pas révéler l'identité de cette même personne. En revanche, je peux vous montrer ce que ça donne. Pour faire une chanson facile, faut d'abord des paroles débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5 ou 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, oh chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Voilà un petit exemple. je crois que c'est je, beau, ne, hein. je ne vais plus voir cette chanson comme je la voyais avant. C'est l'idée. Et, ah ouais, mais c'est l'idée. Finalement, c'est pas qu'une chanson de fin de banquet. Exactement. Ça peut être une romance. Ça peut être une romance. Et dans une 5000 devant un coucher de soleil juste derrière l'usine du coin, ça peut le faire parfaitement. En l'occurrence, on raconte plutôt la tragédie de l'immigration et de la surpopulation avec cette chanson. Ah ben ouais, on est serré au fond de cette boîte, bien sûr. Ouais, ouais. Ça, c'est moins rigolo, surtout quand on est dans une boîte qui est ballottée par la Méditerranée. Et oui, c'est ça. Mais bon, ouais, allez. Stan et Chardon, je le répète, le 23 mars, dans le cadre de cette édition 2023 du Festival de guitare d'Aucamville à Saint-Alban, Centre culturel Yves Montand, début du concert, 20h30. Si je ne m'abuse, c'est jeudi prochain. Exactement. Eh bien, on y sera. Formidable. Merci Thomas d'être Thomas, j'ai bien dit Thomas, hein. Merci Lucas d'être passé nous voir ce soir. Avec grand plaisir. Je crois que c'est encore l'émotion de vous retrouver dans ce studio. À bientôt. Voilà, on va rejoindre tout de suite notre bon professeur Thibault au téléphone. Professeur Thibault, vous êtes là ? Oui, bonsoir, petite fée de l'AFM. Parfait. On vient d'entamer cette chronique avec quelqu'un que vous aimez bien, je pense, les Guilty Pleasures. Oui, j'aime bien le groupe. Je crois bien, et puis on finira aussi également avec eux. Mais entre tout ça, vous allez nous faire votre chronique hebdomadaire. Et puis j'ai après une question à vous poser, mais je vous la poserai une fois que vous nous aurez parlé de cinéma, de quoi qu'on cause ce soir. Oh là là. Bah écoutez, je suis un très très mauvais élève et comme j'ai fait beaucoup de radio dernièrement, je vais prêcher pour ma paroisse. Prêcher donc pour la paroisse de la Cinémathèque de Toulouse, qui dans sa grande mansuétude ce soir vous propose alors un choix. Est-ce que vous avez le choix ce soir ? Mais oui. C'est ça qui est formidable avec la Cinémathèque de Toulouse. À 21h, vous avez le choix d'aller voir La Promesse, ouais. Un film des frères Dardenne, présenté par Luc Dardenne. Ah oui, il est à Toulouse, il est venu de sa Belgique, il a quitté sa frite natale, et il est à Toulouse. Il a surtout quitté son frère. Oui, bah, écoutez, ça arrive. Hein. Eh bien ouais, hein, apparemment. Regardez, les frères Cohen, il n'y en a plus qu'un sur le cinéma. Après, il a décidé d'arrêter. Alors peut-être que les frères Dardenne... peut-être qu'il y en a un qui a décidé d'arrêter. Voilà. On pourra lui poser la question ce soir. Voilà, alors c'est La Promesse. Donc, vous imaginez bien que La Promesse des frères Dardenne, c'est pas ma tasse de thé. Eh bien non. Hein, il faut de tout pour faire un monde, ceci dit. Moi, ma tasse de thé, c'est la séance Extrême Cinémathèque qui a lieu ce soir. Et qu'est-ce qu'on vous présente dans cette séance Extrême Cinémathèque ? Mondo Candido. Mais quel titre, qu'est-ce que c'est beau. En plus, ça rime. Mondo Candido. Monde Candide, hein, pourrait-on dire. Oui. Voilà. Gualtiero Giacopetti et Franco Prosperi, 1975. Alors ça, c'est un film formidable qui mérite quand même une petite explication. Que vous allez nous donner tout de suite. Giacopetti et Prosperi. Ont inventé le Mondo Movie. Enfin, ont posé les bases du Mondo Movie. Qu'est-ce que c'est comme un Mondo Movie ? C'est un faux documentaire, un vrai faux documentaire. C'est-à-dire qu'on mélange diverses choses, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une cérémonie d'une tribu qui est filmée au fin fond de l'Afrique à un club de striptease, donc à Paris. Et tout ceci est, relié par un commentaire un petit peu comme ça, encyclopédique, professoral. Oui. Hein, voyez-vous, c'est un petit peu le principe. Un peu façon anthropologue. Et c'est ça, tout à fait ça, mais anthropologue un peu un peu douteux, voyez-vous, hein, pas qui dirait véritablement de vraies choses, hein, nécessairement ce n'est pas la vérité qu'on va vous montrer, mais en tout cas on vous le montre comme étant la vérité. Ces films-là ont eu un succès phénoménal. C'est eux qui ont planté donc cette base de films avec un film d'ailleurs que vous connaissez certainement qui s'appelle Mondo Cane, qui date du tout début des années 60. Et dont vous nous avez parlé régulièrement dans cette émission. Exactement. Et ces deux réalisateurs se sont engouffrés dans cette brèche d'ailleurs qu'ils avaient créée jusqu'à réaliser un espèce de Mondo ultime qui s'appelle Adieu Afrique, qui a été commencé en 66, et le film n'est sorti qu'en 68, ça a été complètement chaotique, c'est un film sur la décolonisation de l'Afrique, c'est un film qui est très très étrange, enfin quand on le voit aujourd'hui, qui est très très étrange, qui a des moyens, cinématographiques absolument pharaoniques, en fait, pour filmer, quelque part, l'insoutenable, voilà, parce que Adieu Afrique, c'est un petit peu une carte postale, comme ça, en provenance de l'enfer. Et ces gens, donc, ces deux réalisateurs, ont été attaqués de front, et ils le méritaient, parce que leur façon de faire du cinéma était un petit peu douteuse, et ils ont voulu se racheter. Et le rachat, c'est ce fameux Mondo Candido, où là, on n'est plus du tout, d'ailleurs, dans le documentaire ou dans le faux documentaire, c'est-à-dire qu'on admet le côté fiction et que c'est tout simplement une réinterprétation du Candide de Voltaire. Oh, et ça, c'est absolument magnifique. Donc, vous imaginez, en 75, deux réalisateurs italiens attaqués par la presse, attaqués par la critique et même attaqués par la justice, qui vont donner leur version du Candide de Voltaire. Et alors là, on a une espèce de film complètement dingo, où on a une espèce de mélange complètement improbable, parce que ça fait appel à la fois à Jodorowsky, à quelque chose qui pourrait ressembler à du pré-David Lynch. On est entre le surréalisme, quelque part le blockbuster, parce qu'il y a des moyens absolument pharaoniques. On invite, c'est un petit peu la caméra explore le temps et s'amuse d'ailleurs avec le temps, on invite Christophe Colomb à New York dans les années 70. On va se retrouver donc dans le conflit irlandais, on va se retrouver aussi dans le conflit israélo-palestinien, mais tout ça avec une gouaille particulièrement italienne, qui était d'ailleurs à l'époque, des fois on se retrouve dans une comédie paillarde italienne qui voudrait faire de la sociologie et de la politique, voyez-vous. Donc, c'est un film complètement dingo qui part dans toutes les directions. C'était soi-disant le film du rachat, qui s'est d'ailleurs lamentablement écroulé au box-office. Ils n'ont rien racheté du tout. Mais quand même, ils ont laissé cet objet authentiquement bizarre, qui est absolument injugeable. C'est-à-dire que Mondo Candido est absolument inclassable. On ne peut pas dire c'est un film d'auteur, c'est un film de genre, c'est même quelque part un objet expérimental. Ça échappe à toutes les classifications. C'est 2 heures de spectacle quelque part absolu, et c'est une régalade cinématographique, et c'est présenté ce soir donc à la Cinémathèque de Toulouse à 21h pour la séance Extrême Cinémathèque. Voilà, donc Mondo Candido à 21h à la Cinémathèque. Bon, juste avant de se quitter, professeur Thibault, une petite information que vous allez nous donner, vous qui savez tout sur le monde du cinéma parallèle. On parle d'une ressortie de Starfix le 31 mars. Starfix, ce magazine cinéma des années 80-90, vrai, faux, Intox ou Mondo. Il y a un numéro spécial qui va sortir. Ce sera un seul numéro, ce sera un one-shot. Alors, je ne sais absolument pas du tout si ce sera les journalistes d'origine qui œuvraient pour Starfix. Donc, François Cognard, Christophe Gans, Nicolas Boukrieff, Christophe Lemaire, Frédéric Albert Lévy, qui c'est qu'il y avait après, je ne sais plus, oui, deux ou trois de plus. Mais apparemment, on annonce les mêmes, oui. Alors, si on annonce les mêmes, voilà, c'est formidable. Ce sera pour un numéro spécial. Et alors, vous doutez bien que le sommaire est tenu secret. Eh bien, oui. Et même moi, qui suis quelquefois dans le secret des dieux, il faut bien le dire, je n'en ai aucune information. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura un numéro de Starfix. Eh bien, ça, c'est parfait. C'est aussi une bonne nouvelle. Donc, ce soir, l'actualité de la Cinémathèque, c'est Mondo Candido, cette adaptation de Voltaire par les inventeurs du documentaire Mondo. Ces documentaires plus vrais que vrais et complètement fake. Ce soir, donc à 21h à la Cinémathèque, professeur Thibault, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et oui, pour bonne révolution. Je n'y manquerai pas. On se retrouve dans la rue ou sinon, j'amène mes copains, on vient me prendre le café à la maison. Allez, à bientôt, professeur. À tout bientôt. Radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, on vient d'écouter les Guilty Pleasures, un duo complètement allumé qui vient de sortir un nouvel album, Proto Laser Music. Et donc, Guilty Pleasures sera demain soir à partir de 19h30 au Ravelin. Également prévu dans ce concert, Jérôme Sage, autre tenant du label de Guilty Pleasures, Duchtu Records. Et c'est donc une soirée Duchtu Records que l'on pourra voir demain soir au Ravelin, donc à partir de 19h30. Et nous en arrivons tout naturellement à la dernière chronique de Caramel Mou, les concerts du soir. Alors les concerts du soir, ça commence ce soir au bar Les Ogresses, le bar Les Ogresses, avenue de Muret, avec la folk de Dia, et puis suivi de la pop de Haïm à partir de 20h30, un double plateau donc aux Ogresses. À partir de 20h, on pourra écouter The Wild Zombie, un groupe toulousain de voodoo rock, The Wild Zombies, qui entame ce soir à Toulouse une tournée d'une quinzaine de dates qui les verra jouer à Lyon, à Marseille, à Cransac dans l'Aveyron, à Tarragone en Espagne, à Mâcon, un tour royal quoi. Les Wild Zombies à voir donc ce soir à 20h au Ravelin. Allez, ça continue ce soir donc avec la Cinémathèque à 21h. Fred Thibault vient de nous en parler avec la projection à 21h de Mondo Candido, une adaptation du Candide de Voltaire par les deux inventeurs du film Mondo. Et ce film se joue dans le cadre de la sélection Extrême Cinémathèque animée donc par notre bon professeur Thibault. À la Candela ce soir à 20h30, chanson poétique dans une veine plutôt folle folk jazz avec Camille Maïli. Le bijou fête ce soir la Saint-Patrick avec dès 19h30 une animation musicale irlandaise et à partir de 21h30 un concert des Vegan Vampires, un groupe de musique de musique trad irlandaise. Les Vegan Vampires, le nom est déjà terrible, mais l'affiche est encore mieux. On y voit des moutons avec des dents de vampire et la bouche ensanglantée. C'est terrible. À vous dégoûter de manger du mouton le lundi de Pâques. À l'impro ce soir à 20h30, jazz avec le Broken Jazz Lab, mené à la baguette par le batteur Guillaume Prévost. Au Taquin à 21h, célébration de la musique d'Herbie Hancock par Hancock en Stock, une formation que l'on n'avait pas entendue depuis Belle Lurette à Toulouse, avec des cador de la scène toulousaine. On y retrouve Ferdinand Doumerc au sax, Pierre Paulet à la batterie, Rémi Leclerc et Pierre Bozerang au clavier, Mathieu Royer à la basse, Paul Vénière à la guitare et Florent Pépino Tesseir aux percussions. Du coup, eh bien, ils sont tellement contents de se retrouver sur scène ce soir qu'ils remettent le couvert demain soir, toujours à 21h, toujours au Taquin et toujours pour célébrer la musique d'Herbie Hancock. Le Taquin d'ailleurs qui nous offre un week-end de rêve avec donc ce soir et demain soir Hancock en Stock, et puis dimanche à 19h un concert de post-rock plutôt minimaliste avec Petit Bureau et La Bonne Correspondance. Donc ça c'est au Taquin à 19h dimanche. Techno ce soir au Rex à partir de minuit avec Marco Farouan et Simon Erard, les spécialistes y reconnaîtront les leurs. Electro Dark Wave ce soir aux connexions live à 20h avec Sydney Valette. Archipel ce soir est ouvert et s'ouvre une nouvelle fois aux soirées pluridisciplinaires organisées par l'artiste Laurent Avizou, avec ce soir les musiques de Thierry Di Filippo, Elisa Trocmé, Mathias Shadow Sky et puis également Maël Mesurol. On y verra également les créations plastiques de Key, de Louison, de Nicole Cougar et de Luce, et puis les danses de Léa Cousy, de Brice de Laurence et Nicolas, et puis les lectures de Pascal Brucker à partir de 19h, ces soirées à l'Archipel. Ce soir c'est d'ailleurs une soirée de soutien à Archipel, un lieu qui se trouve sur la place Arnaud Bernard et qui a besoin de temps en temps qu'on lui dise qu'on les aime pour qu'ils puissent continuer à rester ouverts. Donc ce soir à Archipel, nouvelle soirée pluridisciplinaire organisée par Laurent Avizou. Ce soir à partir de 19h, deux spectacles de théâtre à la CAF Poésie avec Jouk, un théâtre documentaire par le théâtre de l'Or Bleu, et puis à 21h on pourra voir Le Fétichiste, une pièce de théâtre par la compagnie Baudrin de Parois. À noter que l'ensemble des recettes de ces deux spectacles, dont l'un à 19h, l'autre à 21h, seront reversées aux caisses de grève, parce que oui, il paraît qu'en ce moment il y a des grèves à Toulouse et même des manifestations. On pourrait même se retrouver jeudi prochain à la prochaine qui est annoncée depuis hier. Nouvelle Jambu partie ce soir à 21h au Beers House avec les Jambu Boys et leur funk à gogo. Enfin au Labo des Arts, une petite salle qui se trouve 8 rue Clément au milieu de l'avenue de la Gloire, soirée méchamment pop avec deux concerts à partir de 19h30. Dans un premier temps on pourra écouter Painter Boy, le projet en solo du musicien toulousain Nicolas Mazel, suivi d'Olivier Rocabois. Olivier Rocabois avec sa pop baroque. Olivier Rocabois qui vient de sortir un nouvel album qu'il jouera sans doute ce soir au Labo des Arts. Olivier Rocabois qu'on écoute illico. I'd like to make my exit with panache. Punaise, qu'est-ce que je prononce bien l'anglais. I'd like to make... Take on. passport in the pocket of my Italian jacket. Please, I'm sitting singing songs for everyone. I've been under treatment, but now I'm good. I'm healed. Be sure that I'd come over. What's your take on? Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul ? Ça m'intéresse pas du tout, s'il t'en plaît, avec ce chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse, alors ? Caramel ! Bouh ! Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, retour de John Little pour un nouveau incredible et génial Little by Little Wicked Show. Demain soir, sur saison de Campusienne à 22h, nouvel épisode de l'émission La Liste. Et la liste de demain sera concoctée par Fred Petitpré, le batteur, entre autres, du trio de Rémi Panossian. On se retrouvera peut-être, nous, jeudi prochain. Nous serons sans doute le 16 mars et il sera le 23 mars et il sera temps de continuer à hurler notre rage de voir arriver cette réforme des retraites que nous sommes plusieurs à ne pas vouloir. Et puis on se retrouvera de manière nettement plus traditionnelle la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouvel épisode de Caramel Mou. Et vendredi prochain, autour de cette table, il y aura des musiciens du groupe Loa Frida, mais on pourra également écouter la chanteuse Julie Sharp, qui elle aussi est programmée dans le cadre de l'édition 2023 du festival de guitare d'Aucanville qui a commencé hier. Allez voilà, Caramel Mou, c'est terminé. Salut les filles. Caramel.